Madame, j'ai déjà dit que cette créature venait d'ailleurs, sur un vaisseau à la dérive dans l'espace. Cet engin ne venait pas de notre système. C'est clair ? Ce sera tout, veuillez disposer. Connexion, une transmission de pensée dans ma galaxie propulsée. Le son tourneront dans l'espace musical des accès. Une étoile en explosion m'est percée. Se libère dans le cosmos, l'infini explose. Mes rêves qui me séparent de la Terre, entre Vénus et Jupiter. Dans l'atmosphère, dissipe les stéréotypes, comme un éclair dans les nuages. Verras sur l'instrumental, intersidéral, du itidinx sans extase ni seringue. Au royaume de l'atome, la lumière excite, excite, excite mon âme. Comme un fantôme sur la lune, détruite mes lacunes. OEOX dans les étoiles, me fixe d'un pôle à l'autre comme un spationaute. Une station paranormale, en lévitation, une expérience subliminale. Étiez-vous accompagné de mélodies astrales? Franchis la porte de tes étoiles, la spécialiste est immortelle. Censé ouvrir le dialogue de l'entente, se fige sur notre toile. Paralysé d'un fond de silhouette intrigante. Ils vont tirer à l'île devant le CIMS. Donne le post-sim, mais en nerf du prochain cataclysme. Les autorités pensent qu'entraver l'information du IT. Mais la rencontre du troisième type a fait grand bruit. Sous un effet magnétiseur, nos plus d'énergie se pulvérise parmi les sons des auditeurs. Le virus stellaire contamine le grand public lissé qui a fini par se rallier derrière le vaisseau mère. Le vaisseau glisse, un chaise galactical, tel une mégale stellaire qui tisse sa toile. Le troisième cycle s'aspire dans sa spirale. Un spécial série, la cité rapa normale. Le vaisseau glisse, un son galactical, tel une mégale stellaire qui tisse sa toile. Le troisième cycle s'aspire dans sa spirale. Un spécial série, la cité rapa normale. Spécialisé dans l'arnaque organisée, la méguisée, le Itchy Crew vient déguisé. La survie se fait cache car les réflexes sont vaches. Sache qu'on lâche pas le cash. Espèce de fort valet crash. Les cœurs sont crash, je porte bien des couilles à leur place. Rêve de grosses caillasses, faire des liasses sur vos faces. Comme le vautour, je suis le vorace. Rapace de première classe, pris dans l'impasse, on laisse des traces. En cas de menace, constamment en contact avec la planète Cosmos. J'suis dans le cosmos, le cosmonaute lâche des bastos. Sous tes sauces, le colostéros, façon féroce. Comme une soucoupe qui plane, attire les gosses vers la fosse. Fauche tes sacoches, coche ta vie façon hoche. Le mal s'installe, s'approche, car on veut du cash en poche. L'obscurité prend le dessus sur la lumière. Le troisième tir, la terre envahit, erre dans le mystère. Le vaisseau glisse, un son galactical, tel une mégale stellaire qui tisse sa toile. Le troisième tir t'aspire dans sa spirale. Un spécial série, classité rap anormal. Le vaisseau glisse, un son galactical, tel une mégale stellaire qui tisse sa toile. Le troisième tir t'aspire dans sa spirale. Un spécial série, classité rap anormal. Le Itchy Crew s'est permuni d'un son interstellaire délicat de diagnostiquer un cas similaire. Mujahideen sorti des montagnes galactiques. J'suis calé sur le lyrical bestial. Dossier X-Files classé animo-spatial. Me de risque libanique, ce sera pas normal. Inutile de se placer sur son 31 à la star d'Ulysse. Je sais où mène mon chemin. Mon odyssée interstellaire forge mon destin. Dans un monde mesquin où les K1 me brisent les reins. Les Hittis, une ovni, pas l'esprit du vaisseau. La rencontre est explosive sur le M-Micro. Le corps étranger du RAP à l'écro. Ne t'affole pas, on aura tous notre part du gâteau. Vaisseau glisse, un son galactical, tel une mégale stellaire qui tisse sa toile. Le troisième cycle s'aspire dans sa spirale. Un spécial série, classité rapat normal. Le vaisseau glisse, un son galactical, tel une mégale stellaire qui tisse sa toile. Le troisième cycle s'aspire dans sa spirale. Un spécial série, classité rapat normal. Le dossier est clos.